ça vient de Marseille. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Comme une voix dans la marée humaine, invisible du showbiz à des années-lumière. Marseille, c'est Vézou. Année funèbre comme un choc, comme un crew sur la tête. Noailles courent sur la plaine. L'époque est piégée, les anges tombent vite. Danse parmi les démons de nuit. Ce que tu dis pas, on le devine. Oui, demain c'est loin, oui, instantané mode de vie. Oui, écartez-vous. Vise la lune, les deux pieds sur une plaque d'égout. De quoi parlez-vous? Le sang, soleil vif, instinct sauvage, la zone et ses poètes. Ouais, j'ai toujours fait la divre face à moi, ils sont pas sereins. Marseillais jusqu'à la mort, Graia fait plus de bruit qu'un R1. J'ai trop squatté le terrain, faire le mili, j'ai intérêt. Laisse-moi le temps d'en faire un pour m'apaiser. Je vais le fumer, je vais les laisser faire les parrains. Dans l'île, Graal, j'ai baigné la Castellane, te mets la poudronnée. La poudronnée. Génération malfrat, rentre pas dans mon tiers, si tu vas te faire chiffonner. J'ai pas fait mon temps en foire, va te faire enculer. Et merci bien la zone pour la passe déjà assurée. Tenue noire, là je suis sur une big moto. J'ai des bastos de AK, fais pas le big costaud. Ok Marseille, c'est ça, les celui qui parle finira troué. Avant ça faisait la fête, maintenant j'entends le saint est doué. Gros banquet de BR face à la bonne mère. Tu connais, ça fume, ça picole et ça t'allume pour des violets. Je représente la zone, je sais pas si t'as compris. Si c'est chacun son étoile, on a la Champions League. Donne moi tu sais, ma nègre, reste tranquille. C'est le 13, bébé, organisé comme dans Hill. C'est la folie, je fais ça depuis la maternelle. Des choses sur internet, fume la frappe du Bernec. Soleil, zone, misère réelle, non, c'est pas des lol. Vrai reconnaissent, vrai, on suspend, on a pas d'idol. C'est S-A-U-Z-R, et ouais, enculé. 13-0-13, c'est l'adresse, c'est le QG. T'as vu la rue, ça part en couille, faut savoir les poser. Pourtant, la vie me laisse un goût amer comme un verre de rosé. Marseille, sous les projos, très organisé, légendaire et la compo, et c'est comme ça. Pote wesh, la kick sale, pote wesh, wesh, tu prends les harabèches, tu te crois à costaud. Incompris soldat, te rappelle l'époque où j'étais calé avec un pain Babybel. Ça tenait les murs et ça vendait la fure. Voleur de moto et voleur de voiture. Marseille, on est chaud, dans le game, on est trop. Je viens de là où ça peut travailler, NN dans le métro. Et on débarque comme équipe de GIGN dans l'arène. On va leur faire du sale, ouais, on va les noyer dans la scène. Ça vient de Marseille. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Ça vient de Marseille. Aïe aïe aïe, aïe aïe. Ça vient de Marseille. Comme dans Hit, on est très organisé, mon ami, comme dans Hit. Oh. Comme dans Hit, quand tu vas sur la nuit, quand tu fais comme dans Hit. Y'a que des couilles dans la zone. J'passe par les oliviers, j'vois le petit guetter pour la somme. J'arrive comme un braqueur de banque ou comme le patron du four. J'passais par les flamands, puis quand ils ont encore levé des tours. Et là j'passe par feu ballon. J'mange en bas des bâtiments, ça les BX, ça des B à côté du terrain de ballon. Fais gaffe, paraît que ça te fait dégriller pour un marron. C'est marrant, tu chantes et après que tu ramènes ton daron. Appelle-moi l'OVNI, celui que t'as pas vu venir. J'avais pas que j'allais percer autant, j'l'ai pas dans l'avenir. J'mets le maillot du Japon, mais j'vais pas parler chinois. J'dormais que des petits ponts, le bolide fait trembler le banc. En plus j'ai presque plus de points, TB dans le rond-point. Si demain je perds le permis, c'est pas grave, il coûte un point. Elle tient le sang un point, il est l'autre de ça, toi. Elle est à marmer tout le mois, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Organisé 13, 15, je vais faire une raza, ils sont pas prêts. Je monte sur le coup si tu mets plus que 100 000 à la clé. Génération old school, génération Dembélé, je viens là. Les mecs sont solidaires comme les Marines. Là, les putes rentrent dedans comme les Gremlins. Là-haut. C'est ainsi j'ai les nerfs, à ce qui paraît ils veulent nous faire. Le G sort le fer et avec eux on règle les bails. Si je meurs, ça sera pas par hasard. Faudra pas faire les choquer, pleurer à Madjanaza. Y'a les hommes et les hommes l'aident. Mon calibre il est chromé, si je le sortirai. Nous c'est les vrais, nous c'est les hommes. Nous c'est le 13, nous c'est la zone. Eux c'est les reines, eux c'est les hommes. Je vais te la faire courte, y'a nous et les autres. Y'a la manière douce et la manière forte. Oh miséricorde Seigneur. Je sais qu'on vit dans l'erreur, par la faute à la drogue et au rôle d'erreur. J'ai vu la fin du film, ça se finit dans le sang, dans les pleurs. J'ai du cœur, mais je peux te faire sauter pour la chandeleur. Même les poches pleines, on sera jamais des leurs, non. N'oublie jamais qu'on sera jamais de leur monde. Je connais des gros, je peux pas donner leur nom. Dehors le soleil brille, mais pour nous le tonnerre gronde. Poser les calas, sortez les calumets. On devait s'entraider au lieu de s'allumer. Le 13 organisé pour vous neutraliser. Chez nous dès le premier temps plein, pose déjà ce calibre. Frérot, moi je rappose ce que la vie abîmée. Les gros, nique ta mère, je veux pas entendre la vérité. C'est trop, c'est le magasin, c'est bien les oliviers. Depuis le QN, c'est la street m'a validé. Bangui, c'est G7, négociat du flow, la maîtrise. Même ça, tu milieu, tu vas finir dans le pare-brise. Avant de rejoindre les seuls jeux que mes rêves sont crédits. Ça vient de Marseille. Comme dans Hit, on est très organisé, mon ami, comme dans Hit. Oh. Comme dans Hit, quand tu vas sur la nuit.